Section 25 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 25. Les amours de Gilles, livre 1er. Colombine par Louis Morin. Chapitre 8. Comment Pietro devint général. Grandeur et décadence. Le soir, la ville était en révolution. Monsieur le député de messieurs les écoliers avait si bien fait, l'amour rend industrieux, qu'il avait très convenablement excité les universitaires contre les autorités. Quelques-uns avaient malignement remarqué que monsieur le député avait l'oreille rouge à sa sortie du théâtre. Mais Pietro n'y prit pas garde. Un grand agitateur venait de se révéler en lui. Il avait pris d'autorité le commandement de la révolte. Tu Dieu, quel feu, quelle activité! Il allait bien, le petit abbé. Il n'était pas besoin qu'il attendît 8 jours pour donner sa réponse au père Gallo. Ah, si le bon curé, son oncle, du coin de Treille, où sans doute il lisait à 7 heures son bréviaire, avait pu voir le neveu, donner ses ordres et distribuer les postes, comme il eût levé les bras au ciel d'étonnement et de douleur. Mais Pietro ne pensait plus guère à son oncle. Plusieurs fois déjà de semblables mutineries avaient troublé Padoue. Le dernier, soulèvement des étudiants, avait été causé par une rixe entre un sbire et 2 étudiants. Ces jeunes gens rencontrant le sbire dans un café lui avaient donné l'ordre de sortir et l'un d'eux, furieux de ne point être obéi, lui avait tiré sans l'atteindre un coup de pistolet. Le sbire avait riposté et blessé son agresseur. Il n'en fallait pas plus. Les étudiants, réunis au beau, avaient décrété la mort de tous les sbires et s'étaient mis à parcourir la ville pour les massacrer. La guerre dura 8 jours. 2 écoliers furent tués et le gouvernement étant intervenu sur les instances du syndic, tout se termina par la pendaison du sbire, qui le premier avait été insulté et attaqué. Depuis ce temps, les étudiants, glorieux de leur victoire, prétendaient faire la loi dans Padoue, et ils comptaient faire voir, à l'occasion de la défense faite à Cornelio, qu'ils étaient bien les maîtres. On s'était armé de toute la ferraille qui avait le moindre aspect offensif ou défensif. Quelques-uns étaient coiffés de vieux casques réquisitionnés chez les revendeurs, cuirassés d'armures rouillées, et ils brandissaient des armes d'un autre âge, lances ou rondaches. D'autres avaient des mousquets, des épées ou tout simplement des couteaux emmanchés à des bâtons. C'était une joyeuse troupe qui défilait par les rues avec un air carnavalesque et des chansons gaies. En tête, on avait hissé Pietro sur un grand cheval. Il avait bon air de commandant en chef. Quand on passa devant le beau, le recteur magnifique et le réformateur, escortés des recteurs de faculté, sortirent pour haranguer les mutins. Mais Pietro, prenant la parole, demanda au recteur s'il se portait garant que la représentation aurait lieu sans encombre. Le recteur ne pouvait le promettre. Cela dépendait du podestat. Toute la troupe passa et l'on se rendit devant le palais du podestat, qui n'eut garde de se montrer, craignant quelque mauvaise bagarre. Alors on alla au théâtre, dont on garda solidement les entrées, et Pietro fit faire une affiche de 10 pieds de haut, annonçant pour le soir même la seconde représentation des fourberies de Colombine. Personne ne se présenta, ni de la part du podestat, ni de celle du prince, pour arracher l'affiche ou pour expulser Mademoiselle Séraphine. Ce fut une joyeuse soirée. Les étudiants remplirent la salle. Pas un bourgeois et pas un sbire ne purent y pénétrer. Les révoltés étaient venus avec leurs armes drôlatiques, ce qui donnait à l'assistance un air grotesquement terrible. Mademoiselle Isabelle, qui était une petite fille peu hardie, ne se remit que très difficilement de l'effroi que lui causait la vue de tant d'hommes armés. Quant à Séraphine, elle fut tout à coup prise d'un fou rire qui gagna bientôt toute la salle. Au premier rang des stalles, un étudiant farceur avait fait asseoir son chien à côté de lui, un chien de grande taille qu'il avait affublé d'une perruque de professeur au moment précis où finissait la tirade qui avait si fort mécontenté monsieur le réformateur. La veille au soir, et que Séraphine, sûre de son succès, avait considérablement aggravé. Aux applaudissements qui éclatèrent, le chien, excité par son maître, mêla de furieux aboiements. Tout le monde se mit à crier « À bas, le réformateur !» La pièce fut interrompue et ne put reprendre que quelque temps après. Dans une loge, Pietro triomphait, entouré de son état-major. Il voyait Séraphine heureuse, grâce à lui, et il en jouissait délicieusement. Le soir, le général en chef disparut. Quelques-uns conjecturèrent qu'il était allé monter la garde au chevet de la soubrette. Cela lui suscita un grand nombre de jalousies. Vraiment, ce petit abbé avait su profiter de la situation. Le lendemain et le surlendemain, Pietro conserva son pouvoir, mais il se formait peu à peu, contre lui, un parti de mécontents. Les étudiants studieux en avaient déjà assez de jouer aux soldats et se rangèrent autour du syndic, qui ne voyait pas sans dépit la popularité de Pietro et qui craignait que cette fois la chose ne tournât mal pour les étudiants. Des avis lui étaient venus de Venise, annonçant de la part du gouvernement que si, dans 3 jours, les révoltés n'avaient pas déposé les armes, on licencierait les professeurs et que l'on enverrait pour garder la ville quelques régiments d'esclavons. Le syndic craignait fort une conflagration entre ses subordonnés et ses soldats brutaux, presque sauvages, qui tireraient sur messieurs les étudiants comme sur des Turcs. Le réformateur avait en outre déclaré que le théâtre serait fermé et les acteurs renvoyés, ou bien que cette année, pas un étudiant n'obtiendrait son diplôme. Vraiment, la défense de quelques comédiens valait-elle que l'on s'exposât à toutes ces misères? À la fin du 4e jour, Pietro n'avait plus que quelques soldats. Quel mauvais général c'était aussi, et comme il s'endormait dans les délices. Séraphine s'était véritablement prise d'une toquade pour lui, et ils oubliaient au bras l'un de l'autre tous les périls de la situation. L'esprit aventureux de la señorita s'était beaucoup amusé de cette petite guerre qui se faisait pour elle. Elle espérait toujours que le prince lui reviendrait soumis et repentant, ou bien, s'il ne revenait pas, tant pis. Elle aurait pris du bon temps et elle se serait amusée, sans compter que cette affaire lui donnerait quelque réputation par les villes dans le monde galant. Le matin du 5e jour, comme ils dormaient encore, sans plus se soucier de la débandade de leurs troupes, Léonarde vint les réveiller à l'improviste, en récitant tout un chapelet de mauvaises nouvelles. Les étudiants avaient déposé les armes, tous, jusqu'au dernier. L'université allait reprendre ses cours. Les comédiens allaient recevoir l'ordre de quitter la ville dans la journée, sous peine d'être jetés en prison. Enfin, ses informations secrètes lui avaient appris que l'étudiant Pietro allait être appréhendé par les sbires sur l'ordre des inquisiteurs d'État et que le syndic avait déclaré qu'il ne le réclamerait point. C'était la trahison, l'abandon de toute son armée, un procès criminel à Venise, et qui pouvait prévoir le résultat final? Séraphine et Pietro restèrent atterrés. Léonarde exagérait peut-être un peu les choses, mais elle croyait devoir débarrasser sa maîtresse d'une liaison qu'elle jugeait infructueuse. Aussi donna-t-elle à Pietro le conseil de partir sur le champ, tout seul, pour une ville qui fut en dehors des possessions de Venise. Mais Séraphine ne l'entendait pas de cette oreille. Sa toquade durait encore. Il lui parut tout à coup très désirable de partir avec son petit amoureux. Elle le lui devait bien, et puis cela ferait très bon effet. En un instant, elle fut sur pied, et elle sut si bien se retourner que 2 heures après, une chaise de poste les emportait tous les deux sur la route de Bologne. Pietro avait fort heureusement sur lui la bourse qui contenait sa petite fortune. Séraphine avait laissé un mot pour son directeur. « Nous allons à Bologne. Venez nous y rejoindre. Nous aurons un joli succès avec les fourberies. Seulement, au lieu d'un docteur de Bologne, nous mettrons en scène un docteur de Padoue. » Fin de la section 25, lue par Margot.